120 BPM. On est à 120 BPM là, ça va pas. C'est dur pour faire. Après chaque image. Vas-y, bassiste, on y est. m'assiste. Vas-y, m'assiste, fais taper le sang. Thank you. Grand méchant loup.